Bosco Douiman. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 6 juillet 2020. Voici les grands titres de cette édition. Un total de plus de 400 personnes ont été dépistées jusque dans l'après-midi de ce lundi, dépistées au coronavirus dans une campagne qui a commencé en mairie de Bujumbura. Les résultats sont attendus demain. Nos reporters ont pu constater une grande affluence sur les lieux de dépistage indiqués au grand plaisir du ministre de la Santé. Vous l'entendrez ainsi que des reportages à suivre dans ce journal. Et les élèves ayant passé cette année le concours de 9e année donnant accès au palier poste fondamental de l'enseignement secondaire sont priés de se présenter ce mardi à leurs établissements respectifs et ce sera pour voir leurs résultats pour d'éventuelles réclamations. Un homme de la colline et commune Bouguignosi de la province Karoussi risque un emprisonnement de 5 ans et un paiement d'une amende de 100 000 francs burundais. C'est le réquisitoire du procureur de la République à Karoussi contre cet homme accusé de trafic de stupéfiants. C'était ce lundi, dans une audience publique du tribunal de grande instance. En actualité internationale, alors que s'ouvre ce lundi 6 juillet, la 23e conférence de la Société internationale sur le sida, l'ONU-SIDA vient de publier son rapport sur l'état de l'épidémie en 2019. L'on constate que si des progrès sont notés, ils sont bien trop lents et les objectifs fixés ont été manqués. Voilà pour les grands titres. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonsoir. Début ce lundi d'une campagne de dépistage de masse de la pandémie de coronavirus en mairie de Bujumbura. C'est l'Etes Kamenge pour la commune Nahangwa, la paroisse Kanyosha pour la commune Moura et l'hôtel Source du Nil pour la commune Mukaza. Au centre de dépistage situé à l'hôtel Source du Nil et à celui situé au terrain de la paroisse Kanyosha, pas mal de gens ont répondu présents pour le dépistage. Reportage au Benyangourou. Au centre de dépistage situé à l'hôtel Source du Nil, comme à celui placé tout près de la paroisse Kanyosha, le dépistage a débuté vers 9h30 ce lundi. En arrivant au lieu de dépistage, chacun doit d'abord se laver les mains et reçoit son masque de protection. En attendant le dépistage, la distanciation physique est respectée. Les agents de santé sur place portent eux aussi des kits de protection. La plupart de ceux qui ont fait le dépistage disent qu'ils ne présentent aucun symptôme de COVID-19, mais qu'ils veulent juste connaître leur état de santé. Je n'ai aucun symptôme de COVID-19. Je veux juste connaître mon état de santé. Nous n'avons pas les signes de coronavirus. Nous voulons prévenir cette pandémie et protéger nos familles. D'autres qui présentent des symptômes de la grippe ont aussi répondu présent à ce travail puisque, dit-il, il est difficile de distinguer le COVID-19 de la grippe en ce qui est de certains symptômes. J'ai attrapé la grippe depuis une semaine. J'ai entendu que certains symptômes de COVID-19 ressemblent à ceux de la grippe. Donc, il fallait me faire dépister. Les informations qu'on a eues de certains agents de santé des centres visités disent qu'après le dépistage, les résultats sont donnés le lendemain pour ceux testés positifs et que les médicaments sont disponibles. Au Bani-Yonguru, la même activité a été également organisée au nord de la capitale économique Bujumbura. Il faut également noter une forte affluence sur le centre de dépistage sur ce centre de dépistage à Kamenge. N'est-ce pas fidèle d'Antoine Sabimana? Ici, ce sont les patients qui sont venus se faire dépister au site de dépistage aménagé sur le terrain de football de l'école technique secondaire Etes Kamenge. Docteur Eliane Ngengurutse nous parle de comment le service est organisé. Tous les mécanismes ont été mis en place pour que la campagne se déroule bien. Comme vous le voyez, il y a les agents de santé, il y a le personnel de santé qui est ici, de tous les niveaux pour aider les gens qui viennent pour se faire dépister. Quand les gens viennent, ils se font inscrire. Il y a des gens qui sont là-bas pour inscrire les gens et ils leur demandent les signes, les motifs, donc qu'ils leur amènent ici. Et puis, on leur donne le matériel de prélèvement. Et puis, ils vont à l'équipe, à l'autre partie qui est réservée pour le prélèvement. on les prélève et les échantillons qu'on a prélevés, on les achemine là-bas au centre de dépistage à l'INSP. Les mesures de prévention contre le coronavirus sont de rigueur, comme le confirme Dr Ngengurutse. Tous les mécanismes ont été mis en place pour que la campagne se déroule bien. Comme vous le voyez, il y a les agents de santé, il y a le personnel de santé qui est ici, de tous les niveaux, pour aider les gens qui viennent pour se faire dépister. Comme vous le voyez, les mesures d'hygiène et les mesures de prévention sont toutes mises en place pour que personne ne se fasse contaminer ici. À l'arrivée, il y a le lavage des mains, puis on distribue les masques. Il y a la distanciation sociale qui est respectée. Certains des patients qui étaient venus se faire dépister disent qu'ils présentent un des signes de COVID-19. D'autres révèlent qu'ils n'ont aucun signe et disent qu'ils ont tout simplement répondu à l'appel du ministère de la Santé publique. À 9h45, quand nous sommes arrivés sur ce site de Kamenge, environ 200 personnes s'étaient rangées en attendant le prélèvement. Un chiffre qui, visiblement, allait augmenter suite aux sensibilisations faites par les agents du ministère qui sillonnaient les quartiers du nord de la capitale économique avec une sonorisation montée sur la voiture. Dr Eliane Ngengurutse fait savoir que le site de Kamenge a une capacité de faire un prélèvement sur entre 250 et 300 personnes par jour. Fidèle d'Antoine Sabiwana. Et c'est donc un total de plus de 400 personnes dépistées en mairie de Bujumbura, en tout cas jusque dans l'après-midi ce lundi. Le ministre burundais de la Santé se réjouit de cet état pour le début de cette campagne. Dr Tade Ndikumana annonce que les résultats des tests prélevés seront disponibles ce mardi. Les détails avec Moïse Misago. Plus de 400 personnes étaient déjà dépistées jusqu'en début de l'après-midi de ce lundi, un chiffre satisfaisant selon le ministre burundais de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Dr Tade Ndikumana précise que les résultats des tests prélevés sont attendus ce mardi. Nous avons été agréablement surpris par la réponse de la population parce que nous avions tablé sur 250 personnes par jour au niveau des trois communes, mais à 14h, vous avez constaté que nous avons déjà prélevé plus de 419 échantillons, ce qui montre que la population a répondu massivement à cet appel. C'est par son excellence, monsieur le président de la République. Les équipes qui vont analyser les tests vont travailler assidûment 24h/24 pour que demain matin, on puisse avoir les résultats de ces tests comme c'était prévu. Le programme de dépistage du COVID-19 ne se fera pas qu'à mairie de Bujumbura seulement, selon encore le ministre Ndikumana. Il s'étendra aussi à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, c'est prévu. Et parce que les équipes techniques au niveau du laboratoire sont déjà parmi les équipes que vous avez vues ici pour apprendre sur le terrain. D'ici la semaine prochaine, nous pourrons continuer à l'intérieur du pays parce que nous avons prévu le dépistage à base de gènes experts, c'est-à-dire c'est la PCR à base de gènes experts. Nous avons les appareils dans chaque province et qui vont servir la population de l'intérieur du pays parce que nous avons vu au niveau épidémiologique à l'intérieur du pays, jusque-là, nous n'avons pas de cas. Nous pensons que d'ici la semaine prochaine, on va démarrer avec. Depuis fin mars 2020, plus de 3000 personnes ont été dépistées, 191 cas se sont révélés positifs et parmi eux, plus de 70% ont été guéris. Le bilan de 3 mois, nous avons déjà suivi plus de 3000 cas et contacts. Parmi ces cas, nous avons déjà dépisté 191 et parmi ceux-là, nous observons un taux de guérison qui est supérieur à 70%. Et ce qui montre que si on fait le dépistage précoce, le traitement devient facile. Nous avons un système de détection et de traitement et d'isolement. Nous n'avons pas suivi le confinement au niveau global parce qu'on a vu que c'est mieux de faire le dépistage et d'isoler les cas contacts et de les suivre pendant 14 jours, ce qu'on a fait depuis le mois de mars, ce qui nous a donné des résultats satisfaisants. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida appelle la population à observer toujours les mesures de prévention collective individuelle contre le COVID-19, une pandémie considérée déjà comme ennemie du pays. Moïse Misago est le cadre d'expression des malades. Semabou apprécie positivement cette campagne. Sylvain Habanabakizé demande au gouvernement de rendre disponibles les médicaments nécessaires pour les personnes déjà atteintes du COVID-19. Il en appelle également au respect des mesures barrières. J'aimerais d'abord remercier le gouvernement burundais via le ministère de la Santé de l'engagement ferme pour la prévention la lutte contre le COVID-19. Et si on exige l'achat de certains médicaments à 100%, ce n'est pas tout le Burundi qui est capable de se procurer de ces médicaments. C'est-à-dire que le Simabou lance un appel auprès du gouvernement de voir comment disponibiliser les médicaments nécessaires pour le traitement de ces gens atteints par le COVID-19. J'aimerais vous tranquilliser, quelqu'un qui est atteint par le COVID-19, c'est une maladie virale qui est incurable, qui peut revenir à tout moment. Ce que je conseille à la population burundaise, voir les résidents, ce qui les essaient territoire national, il faut respecter les mesures barrières pour lutter contre le COVID-19. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les élèves qui ont fait le concours national de la 9e année de l'école fondamentale, l'édition 2020, sont appelés à aller voir leurs résultats à leurs écoles respectives à partir de ce mardi. L'appel est lancé ce lundi par le président de la commission du concours national lors de l'embarquement des colis de feuilles roses du dit concours. Deo Gracia Seninibuka appelle les élèves à respecter le temps prévu car la correction et la réclamation ont une durée de 3 jours à compter de ce mardi jusqu'à jeudi. Suivez Deo Gracias Ninibuk. On est en train de faire l'embarquement des feuilles roses dans toutes les provinces du pays pour que demain les élèves aient leurs copies et leurs feuilles roses afin de faire la correction et d'enregistrer les réclamations éventuelles. Les élèves ont droit de 3 jours pour faire leurs réclamations à partir de demain à 8h. Et je profite de cette occasion pour inviter tous les élèves qui ont passé le concours national dans tout le pays de rejoindre les classes respectives demain à 8h pour que les professeurs fassent la correction en classe et que ces élèves commencent à faire des réclamations à partir de demain à 8h. Et à partir de vendredi, toutes les directions provinciales doivent parvenir ces réclamations à la commission. Et après avoir reçu ces réclamations, nous allons faire le travail éventuel et après, nous allons donner les résultats définitifs. La commission n'a pas droit de prolonger le délai. Pourquoi ? Parce que la commission a un chronogramme qu'il va suivre. Ces véhicules doivent arriver à temps et à l'heure. Tous ces véhicules ont déjà reçu les colis. Je pense que dans 4 ou 5 heures, ils seront là. Dans certaines provinces, lors de la passation du concours national, il y a eu quelques membres des feuilles, soit des feuilles roses ou des feuilles blanches. Et il y a des élèves qui ont travaillé sur l'une des feuilles. Et maintenant, pour envoyer les résultats, nous faisons la photocopie de ces feuilles pour que nous gardions les feuilles originales afin que nous ne perdons pas ces points. Alors, l'élève qui va avoir une photocopie, il n'y a pas de problème, c'est ses propres points qu'il a eu. Également dans l'actualité, un homme de la colline et commune Wouguenyouzi de la province Karouzi risque une peine d'emprisonnement de 5 ans et un paiement d'une amende de 200 000 francs burundais. Ce dernier est accusé par le procureur de la République à Karouzi de commercialisation des stupéfiants et dans une audience publique du tribunal de grande instance de ce lundi, le procureur a indiqué que cet homme a été appréhendé avec son véhicule le contenant 500 remplis de chanvre à Wouguenyouzi. L'accusé ne l'a pas nié, mais a indiqué que ce chanvre appartiendrait à son ami qui serait originaire de Ngozi. Blaise Pascal Kararoumiye. Un emprisonnement de 5 ans, une amende de 200 000 francs burundais et vente aux enchères pour l'intérêt public de son véhicule de type Probox, telle étant une peine du réquisitoire du procureur de la République de Karoussi pour un homme de la colline et commune Wouguenyouzi dans la province Karoussi. Dans une audience publique du tribunal de grande instance de Karoussi de ce lundi, le procureur de la République, Harelimana François, a accusé cet homme de la commercialisation des stupéfiants. Le procureur a indiqué que l'homme en question a été appréhendé dans la nuit du 30 juin 2020 à la colline Bihemba de la même commune Wouguenyouzi avec 5 sacs de chanvre pesant 174 kg, des sacs chargés dans son véhicule de type Probox. L'accusé dit qu'il avait chargé ces sacs dans la commune de Kigamba de la province Changuzo et que ce chanvre appartiendrait à son ami qui serait de la province de Ngozi, mais un homme dont il ne donne pas l'identification. Cet homme demandant au tribunal de lui diminuer cette peine, le procureur de la République a signalé que l'homme en question est récidiviste et qu'il avait été appréhendé avec aussi du chanvre chargé sur moto en 2013. Le tribunal a indiqué que le procès sera prononcé ce jeudi prochain, le 9 juillet. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumiye pour la radio Sanganiro. Merci Blaise Kararoumié. Une fille âgée de 15 ans de la colline Moutaran, commune Marangara de la province Ngozi, a été tuée à l'aide d'une machette ce dimanche soir. Le présumé auteur de ce meurtre, l'oncle de la victime, est déjà dans les mains de la police pour enquête. Selon la police à Marangara, un conflit foncier serait derrière ce crime. L'homme appréhendé pour le moment au cachot du commissariat communal, où le dossier est déjà ouvert. Grogne des habitants de la colline Gahahe en zone Rubirizi de la commune Mutimbuzi en province Bujumbura, dont le courant électrique a été coupé par les employés de la régie des eaux. C'était samedi de cette semaine écoulée. Ceux qui exercent des activités qui nécessitent le courant électrique disent qu'ils travaillent à perte et demandent à la régie des eaux de régler l'affaire dans les meilleurs délais. On fait le point avec Mélichard Niyonguru. Comme le témoignent ces habitants de la colline Gahahe en zone de Rubirizi de la commune Mutimbuzi, nous sommes dans la province Bujumbura, ils ont été surpris de voir les employés de la régie des eaux débarquer pour la désinstallation de l'électricité dans cette localité. Ce qui s'est passé, ici je suis un citoyen comme étant d'autres, dans cette localité, nous sommes à 10, mais les 4 ont obtenu les compteurs. Nous avons l'électricité comme tant d'autres, mais il y avait un événement incontrôlable qui est survenu ce samedi vers 15h, qui nous a fait des inquiétudes au niveau de cette localité. C'est pourquoi on a demandé les autorités d'origine des eaux pour mettre fin à cet ignoble événement. Ils disent ne pas comprendre pourquoi la régie de l'eau et de l'électricité installe le courant électrique avec le bras gauche et le désinstalle en même temps avec le bras droit. La régie des eaux, comme c'est une institution publique, c'est la régie des eaux qui est à la charge d'installation électrique. Nous, la population en soi, ce que nous devons faire, c'est demander les compteurs dans des processus viables. Mais ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui s'est passé au niveau de la régie des eaux. On nous a informé même que c'est un problème interne qu'on va résoudre immédiatement. Ceux qui ont des activités nécessitant le courant électrique dans cette localité nous ont fait savoir qu'ils travaillent à perte dans ces jours-ci. Les pertes ont été donc énormes. Dans la cuisine, on n'est pas en train de fonctionner, donc ça ne fonctionne pas pour le moment. On ne peut pas acheter nos achats comme d'habitude parce qu'on n'a pas où les conserver. Mais aussi, quand nos clients nous demandent quelque chose et que nous n'en avons pas, ça devient aussi donc un problème pour Batral parce qu'on ne peut pas expliquer à chaque client que nous n'avons pas acheté ça à cause du courant. Il demande à la régie des eaux de faire de tout son mieux avant que la situation ne dégénère. Je voulais faire un appel à la régie des eaux de réhabiliter le courant afin que on continue à travailler comme d'habitude parce qu'on est en train de perdre. La rédaction de la radio Isanganiro a tenté de joindre la direction de l'eau et de l'électricité régie des eaux en sigle pour réaction, mais sans succès. En actualité internationale, avant la chronique sport qui nous parlera du rôle d'un arbitre de taekwondo, la 23e conférence de la Société internationale sur le sida réunit à partir de ce lundi 6 juillet des milliers de chercheurs, politiciens militants pour faire le point sur l'avancée de l'épidémie et des avancées scientifiques. Ce sont les villes d'Oakland et de San Francisco, lieux emblématiques de la lutte contre le VIH, qui devaient accueillir cette conférence. Elle sera finalement virtuelle, crise du coronavirus oblige. Cette année, la pandémie de COVID-19 s'est également invitée au programme. Cela se constate dans le monde entier. La lutte contre le VIH a clairement pâti de l'épidémie de COVID-19, qu'il s'agisse du système de santé débordé ou de financement redirigé vers cette nouvelle urgence. Plusieurs études devraient être ainsi présentées pour mesurer l'ampleur du phénomène, notamment en termes de rupture et de difficultés d'accès au traitement. Et l'ONU SIDA vient de publier son rapport sur l'état de l'épidémie en 2019. Si des progrès sont notés, ils sont bien trop lents et les objectifs fixés ont été manqués. Et suite au regain de violence dans la province de l'Ituri en République démocratique du Congo, ces dernières semaines, le président Félix Tshisekedi a délégué une mission de dignitaires. L'objectif est de sensibiliser les commandants de la milice Codeco à déposer les armes. Une délégation composée d'anciens chefs de guerre ayant eu parfois affaire à la justice internationale. Connus pour leurs implications dans des mouvements rebelles, ils ont 2 mois pour prêcher la paix et démontrer que la rébellion et les groupes armés ne sont jamais bénéfiques. Radio Isanganiro, chronique sport. Le rôle d'un arbitre de taekwondo lors des compétitions est de proclamer les résultats en se référant sur les lois régissant ce sport. C'est ce que dit le président de la Fédération burundaise de taekwondo. Lorsqu'un arbitre proclame des résultats contraires à ceux transmis par les juges, Cyprien Bigirimana explique qu'entre autres sanctions, c'est de ne pas arbitrer la prochaine compétition. Marie-Claire Cazeneza. Lors des compétitions de taekwondo, un arbitre est chargé de proclamer les résultats fournis par les juges tout en respectant les lois régissant ce sport. Ce sont les précisions de Cyprien Bigirimana, président de la Fédération burundaise de taekwondo. Un arbitre de taekwondo, il est là pour contrôler les fautes que font les deux athlètes ou les joueurs. Et puis, lorsqu'il s'agit d'une compétition, normalement, un terrain connaît quatre juges. Chaque coin se trouve un juge. Et trois doivent marquer un point dans moins de 2 secondes. Lorsque le jeu est terminé, on appelle les juges, ils amènent les points et puis on additionne. L'arbitre central collabore avec les deux juges lorsqu'il s'agit de proclamer. C'est lui qui appelle les juges d'amener les points. Il indique que les compétiteurs se distinguent par des couleurs. Je vous précise que les deux compétiteurs se distinguent par les couleurs. Il y a la couleur rouge et la couleur bleue. Celui qui est de la couleur rouge, s'il gagne, l'arbitre dit home. Celui qui est de la couleur bleue, s'il gagne, l'arbitre dit Chong Song. Lorsqu'un arbitre de taekwondo proclame les résultats erronés, Cyprien Bigirimana fait savoir qu'il est sanctionné de ne pas arbitrer une seule compétition à venir. Sauf au système de regarder les fautes commises par les athlètes, par les compétiteurs, il ne fait rien si ce n'est que proclamer. Arrêter lorsqu'il y a un chaos, suspendre lorsqu'il y a un ça ne va pas, des cas où un arbitre est sanctionné pour avoir mal arbitré. Il est suspendu d'une seule compétition pour arbitrer seulement. Ce président de la Fédération burundaise de taekwondo ajoute que les fautes en arbitrage sont moins commises actuellement en taekwondo du fait que les arbitres utilisent le système numérique pour arbitrer les compétitions. Marie-Claire Cazeneza, c'est sur cette chronique sport que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous invités aussi pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Passez une très bonne soirée. We'll be right back.